Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marivonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, Entartete Kunst ou l'art dégénéré, une série de Christine Le Cerf réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a une exposition qui a 80 ans, à Munich, en juillet 1937. Elle va circuler 4 ans en Allemagne. Il y a ce que les nazis ont appelé l'art dégénéré, un art stigmatisé, jugé malade, qui peut s'enorgueillir d'avoir été visé. Cubisme, expressionnisme, abstraction, surréalisme, dadaïsme. Il y a aussi une autre exposition, en miroir, en même temps, de l'autre côté de la rue, celle d'un art allemand idéalisé, pur et figuratif. Alors face au mépris institué, il faut faire l'effort d'ausculter la relation du nazisme à l'art, explorer les trafics, le vol, la spoliation, la sélection, la destruction et cohabiter avec ce vocabulaire meurtrier. Alors pour commencer, les personnages. Un peintre raté qui se voit comme un architecte de génie, des collectionneurs avides, l'autre qu'on déteste, des historiens de l'art qui analysent, un directeur de musée qui veut réparer, des historiens du nazisme et des assassins qui se voient comme des artistes. Ensuite le décor. Des coffres vidés, des tableaux au mur, la haine des avant-gardes, un projet de musée d'art allemand, Linz comme capitale du bon goût, l'art grec comme horizon, des musées muets, le romantisme dévoyé et des regards éduqués au mépris. Aujourd'hui, deuxième épisode, il faut parler d'Hitler. Hitlers Ästhetik war brav, bieder, naïf. Hitler cultivait une esthétique bien sage et proprette. Petite bourgeoise, naïve. Sie war von einem Begriff des Deutschen geprägt. Inspirée par la peinture de Rudolf von Alt. Und am Biedermeier geschult war. Et le Biedermeier. Hitler war ein gescheiterter Künstler. Hitler était un artiste raté qui a cherché ses modèles dans la figuration et pas du tout dans l'abstraction, la transfiguration ou la transcendance. Tout cela lui paraissait suspect. Nicht in der Transzendenz. Das alles war ihm suspekt. De toute façon, il n'aurait pas été à la hauteur intellectuellement. Dem war er auch intellektuell gar nicht gewachsen. Ja, er ist sicherlich ein Provinzler oui, aus Linz. Hitler était un Plouc de Linz. Et il en avait bien conscience. Also auch c'est pour ça qu'il voulait faire de Linz une grande ville, une ville importante. Sozusagen nicht mehr Provinzler sein. Il ne voulait plus être un provincial. Deshalb hatte er ja auch große Programme für Linz. Ja. C'est pour ça qu'il avait de si grands projets pour Linz. Hitler hat ja alles, also seinen Nachlass vernichten lassen. Hitler a donné l'ordre de tout détruire. Kurz bevor er sich umbrachte, hat er juste avant de se suicider, il a chargé quelqu'un. Ist egal, einen Beauftragten. Je me souviens plus du nom. Rumgeschickt, der quelqu'un a été chargé de détruire tout ce qu'il possédait. Alle, er hatte drei Trésore. Il avait trois coffres-forts, un dans son appartement de Munich, in seiner Münchner Wohnung, un à la Chancellerie de Berlin, in der Reichskanzlei in Berlin, et un au Oberhof, auf Obersalzberg. À Obersalzberg. Und derjenige hatte jedenfalls also die Schlüssel und die Zugangscodes zu den Tresoren und hat die ausgeräumt und alles vernichtet. Cet homme avait les clés et les codes, il a tout vidé et tout détruit. Was da drin war. On ne sait pas vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur, sûrement des documents personnels. Natürlich nicht private Unterlagen. Aber zum Beispiel auch, das wissen wir, weil nämlich die ce qu'on sait cependant, c'est que la femme de ménage du Berghof, Haushälterin, auf dem Obersalzberg hat Zeichnungen von Hitler avait profité d'un moment d'inattention noch rausgezogen, bevor die also verbrannt wurden. Ja, in einem unbeachteten Moment hat sie pour prendre quelques dessins d'Hitler avant qu'il ne soit brûlé zur Seite gebracht. Also, es waren Zeichnungen von ihm darunter. Ça veut dire qu'il y avait des dessins de lui dans les coffres, peut-être qu'il dessinait la nuit. Er konnte ja so schlecht schlafen, vielleicht hat er ja auch immer wieder gezeichnet, ich weiß es nicht. Je sais pas. Es waren, vielleicht gab es ja auch private Aufzeichnungen. Peut-être qu'il y avait aussi des notes personnelles ou des journaux intimes. Die, qui sait? Ominösen. Aber es ist vernichtet worden. Ja. Mais tout cela a été détruit. Hitler est quelqu'un qui, depuis tout petit, a décidé de conjurer la médiocrité de son existence et les angoisses liées à son existence par l'auto-exaltation, l'exaltation de soi, par la sculpture de soi en figure de créateur. Bon, en cela, il est le fils de son temps, il est le fils d'un âge post-romantique qui exalte le créateur, qui exalte le génie, de préférence méconnu, de préférence marginal, de préférence malheureux. Et Hitler se complaît parfaitement dans cette position-là et dans cette identité-là. Il est le génie méconnu, il est celui qui connaît tout Wagner parce qu'il a assisté à tous les opéras, il est celui qui a été rejeté par l'Académie des Beaux-Arts de Vienne à deux reprises, parce que, évidemment, les professeurs, le jury n'a pas été sensible à son génie, parce qu'il est exceptionnel, parce qu'il est hors norme à ses yeux. Et il a conservé toute sa vie le désir d'être un artiste. Et pour lui, la politique, c'est de l'art. Hein, c'est conformer la réalité d'après des canons de symétrie, de beauté, d'idéal. C'est travailler la réalité comme une patte artistique. Par ailleurs, il a lui-même mis la main à la pâte, justement. Il a été actif dans la production artistique du Troisième Reich en multipliant les croquis de bâtiments à construire. Arc de Triomphe, Grande Halle, Place publique, ministère, musée. Il a multiplié les croquis qu'il a donnés à ses architectes successifs, notamment à Speer, à partir de 1934, Speer qui était invité, évidemment, à s'inspirer des croquis d'Hitler pour ses propres plans. Entartete Kunst. L'art dégénéré. Par Christine Le Serve. Aujourd'hui, l'œil d'Hitler. Ich bin pour moi, le lien entre la carrière artistique d'Hitler et sa carrière politique, die Vorstellung des Genies war. C'est l'idée du génie. Und Hitler ist ja auch von der Propaganda als Genie gefeiert. La propagande faisait de lui un génie. Birgit Schwarz. Diese Vorstellung, ein Genie zu sein, brachte er aus Hitler seiner Zeit a développé cette image de lui-même comme génie. Ein verkanntes Genie. Génie méconnu. Das ist ein ganz wichtiger c'est très important. Ja, er hat das pendant ses années d'artiste à Vienne, toute sa vie, also il a eu ce besoin d'être en lien avec l'art. Kunstprogramme, à travers sa politique culturelle, sammeln, ses collections also, d'œuvres, dass er sich sa manière de se présenter comme un mécène par le biais de la propagande, darstellen ließ, tout cela était fondamental pour lui, ganz wichtig für ihn, weil er selbst, car il en avait lui-même besoin pour justifier son pouvoir. Um seine Herrschaft zu rechtfertigen, ja. Und das wurde natürlich im Krieg und immer wichtiger. Er hat sich intensifié avec la guerre. Auch im Führerhauptquartier Gemälde ins il se faisait apporter des tableaux jusque dans son quartier général so ein paar Tage et les gardait quelques jours pour les contempler. Er hat Il s'était aussi fait faire des catalogues de ses collections. Und auch andere Sammlungen, die er hatte, hat er sich Fotoalben machen lassen und hat die dann des Nachts angeschaut. Er hat seine Architekten kommen lassen. Il faisait venir ses architectes au quartier général. Hat ihn gezeichnet und hat mit ihnen seine Il dessinait avec eux ses projets architecturaux. All das war et de son projet de musée pour les feuilleter la nuit. Hinsicht wichtig für ihn. A, um sich weiter Il était très important pour Hitler zu beschäftigen, de poursuivre ses Genie occupations artistiques gelten und sich pour cultiver Genie son image de génie auprès des autres et auprès de lui-même. Und, es hatte sicherlich auch eine gewisse Cela avait sûrement aussi une fonction thérapeutique. Funktion. Das hat er selbst gesagt, Hitler l'a dit, das hat auch sein Arzt gesagt. Son médecin das aussi. Hat einfach Spaß gemacht, ça le divertissait. Zu beschäftigen. Und da hat er sich also regeneriert. L'art lui permettait en quelque sorte de se régénérer. Hätte, wäre der Krieg si Hitler n'avait pas eu l'art, einige Monate la guerre se serait peut-être terminée un peu plus tôt. Von daher war das was extrem böses, ce rapport à l'art avait presque quelque chose de maléfique und, parce qu'il lui permettait de se régénérer. Ja, sein Selbstverständnis als Genie wieder, also, aufladen konnte. En ce qui concerne cette comparaison du dictateur avec l'artiste, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps aussi. Éric Michaud. Non seulement donc, depuis la fin du XIXe siècle en France, mais en Allemagne et durant toute la période de l'expressionnisme, y compris l'expressionnisme tardif, auquel quelqu'un comme Goebbels, par exemple, appartient. Et Goebbels a écrit un roman qui s'appelle Michael, dans lequel, si vous me permettez, il écrit, et je lis ici, « L'homme d'État est aussi un artiste. Pour lui, le peuple n'est rien d'autre que ce qu'est la pierre pour le sculpteur. Le Führer et la masse, cela ne pose pas plus de problèmes que le peintre et la couleur. » Donc voilà, ça c'est un petit passage, comme ça, deux phrases écrites par Goebbels dans les années 20. Et il va répéter ça une fois qu'ils seront arrivés au pouvoir, hein, les nazis. Et c'est quelque chose que l'on retrouve aussi alors d'une autre façon dans un texte de 1931, « Combat pour Berlin ». Il dit, voilà, la masse n'est pour nous qu'un matériau informe. Ce n'est que par la main de l'artiste que de la masse naît un peuple et du peuple une nation. Dass dieser engere Kreis, dans le petit cercle de la NSDAP, der Nationalsozialisten, der NSDAP, da waren viele Künstler drunter. Il y avait beaucoup d'artistes. Und die haben sich halt zusammengefunden, ja. Rosenberg, der Partei, par exemple Rosenberg, l'idéologue du parti, wollte auch Maler werden wie Hitler, avait aussi voulu devenir peintre, comme Hitler. Il avait fait ses études d'architecture à Moscou, et à la différence d'Hitler, il les avait terminées. Goebbels, lui, se considérait comme un écrivain. Il avait fait des études d'allemand et écrit un roman. Beaucoup de nazis se considéraient comme des artistes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les nazis avaient la fibre artistique. Ganz bestimmt nicht. Pas du tout. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, als Hitler selbst à partir du moment où Hitler s'est mis à collectionner und man das sehen konnte, wenn man ihn zu Hause besuchte, à montrer avec fierté les pièces de sa collection à ceux qui venaient lui rendre visite au Berghof, à Obersalzberg, où la plupart de ses tableaux étaient accrochés, auch vorgeführt hat, à partir de ce moment-là, da fing natürlich auch alle anderen an, also les autres ont commencé à l'imiter. Ja, da wusste man, also, wir müssen auch, nous also, aussi, nous devons avoir des tableaux au mur. Haben. Wir müssen uns auch als nous aussi, nous devons nous présenter comme des amis de l'art. Profilieren. Ja, natürlich, viele c'est sûr que dann, beaucoup Hitler, ont imité Hitler. Goebbels hat ja Expressionismus pour Goebbels, c'était un peu différent. Hat sich halt dann lui, also, Il aimait l'expressionnisme. Mais il a été obligé de s'adapter. Hitler avait une telle haine envers l'avant-garde, et en particulier envers l'expressionnisme, que Goebbels a dû tout simplement renoncer. À l'origine, Goebbels était un vrai défenseur de l'art moderne. Un Vertreter der Moderne. Il disait de l'art du 19e siècle. Und er hat gesagt, heute kann man sich diese Kunst des 19. Jahrhunderts gar nicht mehr anschauen. Das ist ja schrecklich, diese Böcklins. Qu'il était complètement dépassé, que tous ces Böcklins étaient épouvantables, impossibles à regarder. Und Hitler hat eine riesige Böcklin-Sammlung gehabt. Hitler, lui, avait une immense collection d'Arnold Böcklin. Eines der berühmtesten Gemälde von. Il avait même l'île des morts. Arnold Böcklin in die Reichskanzlei. Il avait accroché dans la salle de réception de la Chancellerie. Raum, wo er Gäste empfangen hat, ja. C'est l'un des tableaux les plus importants de Böcklin. Es gab also schon sehr unterschiedliche. Il existait donc de profondes divergences esthétiques au sein du parti nazi. Nur es gab dann also einen Anpassungsprozess. Mais il fallait s'adapter. Il fallait respecter les goûts et les idées du Führer. Man hat sich einfach dann nach dem Geschmack und nach der Vorstellung des Führers gerichtet und orientiert. Ja, natürlich, das war. Alors, le rapport d'Hitler comme de ses compagnons à la tête de la hiérarchie nazie, le rapport de ces gens-là à l'art et le rapport qu'une élite petite bourgeoise promue à la tête d'un mouvement politique, à la tête d'un État, entretient avec l'art. Johann Chapoutot. C'est un symbole ou un signe de dignité que de s'intéresser à l'art, que de le collectionner, que d'avoir des œuvres d'art chez soi, même si soi-même on en est peu amateur ou... Le cas d'un Himmler, par exemple. Himmler s'environne d'œuvres d'art, offre des œuvres d'art à Hitler, parce qu'il sait que Hitler en est friand, mais lui-même a assez peu de sensibilité artistique. Göring a une sensibilité plus quantitative que qualitative. C'est un boulimique de la possession, c'est un boulimique de la spoliation. Il s'entoure d'objets, il sature Karin Hall d'œuvres d'art, sans forcément montrer, ni par sa culture, ni par son goût, qu'il ait un rapport particulier à l'art. Mais pour Göring, qui a véritablement une stratégie d'exaltation de lui-même et d'exaltation de son pouvoir, la débauche artistique, la débauche d'œuvres d'art, fait partie d'un programme d'auto-institution de soi en mécène, en nouveau patron des arts, en prince de la Renaissance, avec ce que cela comporte d'exubérance et d'exagération et d'accumulation. Wer war denn Künstler? Wer war denn Maler? Wer hat denn die ersten Jahrzehnte seines Lebens sich de Göring ou d'Hitler était l'artiste? Et qui a tiré le diable par la queue les premières années de sa vie comme peintre? Ce n'est pas Göring. C'est Hitler. Diese Aquarelle, die wir kennen, les aquarelles d'Hitler que nous connaissons oder Nachahmungen von ne sont que des copies ou des imitations du 19e siècle. Keine genialen Werke. Ein geniales Werk kann elles sont loin d'être géniales. Sein. Das hat er immer so eingeschätzt. Une imitation ne peut pas être l'œuvre d'un génie. Hitler en était tout à fait conscient et il l'assumait. Das waren ja nur Dinge, die er für seinen Lebens Il a fait ça pour assurer sa subsistance. Als genial hat er sicherlich seine en revanche, architektonischen Zeichnungen. Ses dessins d'architecture, il les considérait comme géniaux. De temps en temps, il en offrait un à Albert Speer. Eine geschenkt und im Nachlass von Speer sind einige. On les a d'ailleurs retrouvés dans ses papiers. Mais le grand projet d'Hitler, c'était son musée à Linz. Sie müssen sich das vorstellen als ein ganz normales. Il faut imaginer un musée tout à fait normal, avec de la peinture française du XVIIIe siècle, sogar, was ja gar nicht so zu den même Nazis si ça ne correspond pas vraiment à l'idée qu'on se fait du goût nazi. So passt, ja. Watteau, Fragonard, Watteau, Fragonard, etc. Oui, oui. Und ja, englische. Il y aurait aussi des portraits anglais, beaucoup d'art italien, évidemment, et même des tableaux religieux. Par exemple, une Madone à l'enfant. Mais le plus important, et ce qui aurait fait sans doute la spécificité de ce musée, c'était son grand département d'art du 19e siècle. Das sollte wirklich eine große Abteilung sein, eine so große Abteilung 19. Jahrhunderts Malerei gab es sonst in Österreich. Une collection de cette envergure, il n'y en avait encore jamais eu en Autriche. Und da wären dann die ganzen Lieblinge von Hitler also reingekommen. Also on y aurait retrouvé tous les peintres préférés d'Hitler. Hans Makart, qu'il collectionnait beaucoup en vue de ce musée. Spezifisch, also Makart. Moritz von Schwind aussi. Aber natürlich auch Anselm Feuerbach. Moritz von Schwind, Anselm Feuerbach. Aber nicht die mais aucun moderne français du 19e, ni aucun italien du 19e. Pour son département du 19e, hätte er rein national gesammelt, ja. Hitler n'aurait collectionné que de l'art national. L'art est au cœur du mythe nazi, oui, je le crois tout à fait. Si l'art est au cœur du mythe nazi, c'est d'une part donc pour cette espèce de pétition de principe que l'on trouve dans tous les textes fondateurs du national-socialisme. Le national-socialisme est l'idéologie de la race créatrice. Et en tant que race créatrice, elle apporte la preuve de sa supériorité créatrice par ses réalisations artistiques. Alors au cœur de ce dispositif, il y a quelque chose qui est évidemment la race d'abord et son représentant au sein du régime national-socialiste qui est le Führer artiste qui se fait l'interprète de la race dans son actualité, c'est-à-dire le peuple allemand tel qu'il existe au moment où Hitler prend le pouvoir. Dans un premier temps, la propagande présente Hitler comme l'artiste de l'Allemagne. Et c'est quelque chose qui ne va pas durer très longtemps, mais qui est, à mon sens, tout à fait essentiel pour non seulement les premières années du régime, mais pour les premières années du national-socialisme aussi. Ou disons, puisque le national-socialisme naît véritablement, le parti naît en 1922, à partir, on va dire, du milieu des années 20. Donc du milieu des années 20 jusqu'en 1937, à vrai dire, jusqu'en 1937, avec cette double exposition, hein, le modèle artistique, évidemment, et le modèle de Hitler artiste, et artiste du peuple, artiste de la nation, artiste de la race aussi, est quelque chose qui est omniprésent, qui est extrêmement prégnant, qui est vraiment partout. Dass der Erfolg dieses Kampfes seine unvergängliche Erhärtung findet in dem Dokument einer einmaligen großen Kunst. Deshalb sollen diese Bauwerke nicht gedacht sein für das Jahr 1940, auch nicht für das Jahr 2000, sondern sie sollen hineinragen gleich den Domen unserer Vergangenheit in die Jahrtausende der Zukunft. Et c'est quelque chose donc, qui va durer et perdurer jusque presque jusqu'à la déclaration de guerre en fait. Cette image de Hitler, sculpteur de l'Allemagne, artiste de l'Allemagne, artiste des Allemands. Et il est vrai que, ça c'est le dernier aspect, si vous voulez, de la fonction centrale de l'art dans le dispositif nazi et dans l'idéologie nazie, c'est que Hitler a pour matériau son peuple, et qu'il n'a jamais, depuis 1922 en tout cas, et depuis le moment de la fondation du parti nazi, il est clair qu'il a renoncé à toute activité artistique comme activité qui serait son activité principale pour se vouer à la politique, conçue comme un art, au sens où Goebbels l'entend. Wir haben ein deutsches Theater, einen deutschen Film, eine deutsche Presse, ein deutsches Schrifttum, eine deutsche Bildende Kunst, einen deutschen Film und eine deutsche Presse, ein deutsches Schrifttum, eine deutsche Bildende Kunst. Und einen deutschen Rundfunk. Wir haben ein deutsches Theater, einen deutschen Film, eine deutsche Presse, ein deutsches Schrifttum, eine deutsche bildende Kunst und einen deutschen Rundfunk. Thank you. Hitler hat das ja sehr prononciert in einer vor Wut Hitler schäumenden Rede, écumant de colère, dans un discours très virulent, avait exprimé en des termes très clairs Andrea Mayer, que les œuvres expressionnistes étaient inacceptables nicht akzeptabel sein, et que les œuvres de l'exposition de l'art allemand das, was eben dann im étaient les seuls modèles à suivre pour les artistes contemporains. Zeitgenössischen Künstlern Vorbild für das sein, les seules œuvres autorisées der NS sous le régime national-socialiste. Das Interessante für München ist aber, mais il faut souligner une chose très intéressante au sujet de cette exposition. Quand Hitler a découvert la sélection opérée par le jury, il s'est montré très insatisfait et il a refait lui-même toute la sélection. Goebbels en a alors profité pour organiser une contre-exposition, celle de l'art dégénéré, pour montrer une bonne fois pour toutes ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Künftig akzeptabel und was eben komplett inakzeptabel ist. Il y a dans le discours nazi, dans la littérature nazie de manière générale, littérature qui est très vaste et très diversifiée, hein, littérature d'ordre biologique, médical, philosophique, historique, juridique, journalistique, et puis appartiennent au discours nazi également tous les films hein, de fiction et les films documentaires de la période. Il y a un discours évidemment sur l'art, un discours sur l'art qui repose d'une part sur ce qui est présenté comme étant des évidences. Il y a le beau et le laid. Le beau est l'expression de la santé, le laid est l'expression de la maladie. C'est présenté comme des évidences, des jugements de valeur absolument non interrogés et présentés comme étant la vérité. Et il y a une lecture historique de long terme de ce que c'est que l'histoire de l'art et ce que c'est que la production artistique. Le parangon de la beauté est atteint très tôt dans l'histoire de la race germanique avec l'art grec et ses imitations romaines. Cela s'est perdu ensuite dans la longue nuit médiévale à cause du détraquement et de la maladie chrétienne, un long Moyen-Âge qui a duré au fond jusqu'en 1933. Et c'est depuis 1933, enfin, un régime politique a le courage de revenir à la première inspiration, à l'instinct de la race, en encourageant des œuvres saines et des œuvres belles. Voilà. Et ça, c'est un discours que l'on trouve absolument partout, chez des historiens, dans des manuels scolaires, dans la presse, dans le cinéma, documentaire ou fictionnel, chez des médecins, chez des biologistes, et sous la plume des caciques du régime, lorsqu'ils se piquent de discours programmatiques, théoriques, ou lorsqu'ils se piquent également d'écrits théoriques. Rosenberg dans Le mythe du XXe siècle, Hitler dans Mein Kampf, ou dans les grands discours sur l'art qu'il prononce à Munich ou à Nuremberg, notamment. J'aimerais dire quelque chose parce que non, parce que quand j'ai lu les discours sur l'art de Hitler, quand j'ai lu les textes écrits par de très nombreux idéologues nazis ou des architectes nazis comme Speer par exemple, qui s'est retrouvé ensuite ministre de l'armement, celui qui faisait travailler donc dans les camps Éric Michaud des centaines de milliers de prisonniers jusqu'à les mené à la mort. Quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire parce qu'il n'y a absolument rien de nouveau relativement au discours le plus académique sur l'art que je connais du 19e siècle. Il n'y a rien de nouveau. Ce sont des banalités. Ce sont des banalités. Et donc je me suis tout de même demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne à ce point destructeur et meurtrier avec l'accession des nazis au pouvoir? Pourquoi ce discours, tout à coup, a eu des effets aussi destructeurs? Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, le pouvoir de séduction de ce type de discours a pris des dimensions et une ampleur absolument considérables. Et là où ça ne marchait pas, je veux dire, là où la séduction ne marchait pas, eh bien, il avait la force physique qui intervenait et qui détruisait physiquement. Voilà, donc c'est-à-dire que tout ce discours, qui est un discours proprement européen, qui est né, qui s'est développé au XIXe siècle, s'est retrouvé tout à coup entre les mains et les plumes d'un certain nombre de gens évidemment médiocres, hein, et avec disons, les moyens dont ils ont disposé, les moyens proprement de propagande, alors qu'ils ont disposé, les moyens matériels de propagande d'une part, et les moyens matériels de destruction par les armes, est devenu, a produit des effets absolument terrifiants. Les nazis n'ont jamais rien inventé, ni à la fin des années 10, ni au début des années 30. Ils ont mis en musique, ils ont mis en cohérence des idées, des thèmes, des obsessions qui leur préexistent très largement et dont ils sont les héritiers, qu'ils n'ont fait que copier, recopier et mettre en système, si vous voulez. Donc effectivement, ils sont héritiers de toute une littérature, on va dire, de lecture symptomatologique de la production culturelle. Christian Fuhrmeister. Entartete Kunst ist eine Begrifflichkeit des 19. Jahrhunderts von Max Nordau. L'expression art dégénéré, entartete Kunst, fait son apparition dans le vocabulaire au 19e siècle. Ein Jude, ein Zionist, der selbst damit argumentiert, forgé par un médecin d'origine juive, Max Nordau. Dass wir unseren Kern und Nordau se souciait déjà à l'époque du danger d'une dégénérescence, auch schon auch als Diskurs, d'une fin de race. Vor der Diffamierung und vor der, la race existait déjà en tant que catégorie dans les discours. Vernichtung und Auslöschung gibt es et la science s'intéressait déjà aux différents types humains et à leur classification. Auch eine Wissenschaft, die sich mit bien avant toute idée d'anéantissement ou d'élimination. Würde ich vielleicht sagen, oder Ethnien beschäftigt, oder heute würde man sagen Ethnien. Der Begriff Entartung, le livre de Nordau, intitulé Entartung, dégénérescence, a en quelque sorte redonné à ce terme une nouvelle signification. À partir des années 1910, le terme dégénérescence investit le domaine de la culture pour qualifier tout ce qui est perçu comme maladif ou mauvais. Mais la classification raciale est un phénomène plus ancien, qui existe déjà au XVIIIe siècle. Les œuvres culturelles, artistiques en particulier, pour ce qui nous occupe, sont des expressions d'une biologie, sont des symptômes d'une biologie. Ils sont donc référés à leur producteur. Une œuvre n'existe pas en tant que telle, elle n'existe pas de manière absolue, elle existe toujours de manière relative, relative à, c'est-à-dire référée à son producteur et à sa race. Bon. Cela nous renvoie à la pratique nazie de la sélection qui est permanente, hein, et du classement. Les nazis classent les races. Ils classent également, au sein des races, les individus. Il y a ceux qui sont malades, qui sont promis à l'exclusion du cycle biologique, hein, par la castration, par la stérilisation, bon, pour ne pas transmettre leur maladie. Il y a ceux qui sont performants, il y a ceux qui ne sont pas, il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a ceux qui sont de bonne race, ceux qui sont un peu mélangés, ceux qui sont beaucoup mélangés. Bon. Donc ce principe de sélection est constant. Ce que les nazis font à partir de 1933, c'est une politique de tri entre les bons et les mauvais, entre les bons et les mauvais sujets raciaux, et à l'intérieur même de la race nordique, ce qui est défini par eux comme étant la race germanique nordique. Ceux qui sont considérés comme malades héréditaires sont exclus donc, du cycle procréatif par la stérilisation et la castration, pour ne pas que se perpétue leur malaise ou leur maladie. Et par ailleurs, la politique nazie de répression à l'égard des déviants, à l'égard des ennemis politiques, est d'une violence extrême. Mais ce n'est pas la Shoah. Ce n'est pas une politique de destruction systématique. C'est une politique d'intimidation, c'est une politique de violence. Et on passe au meurtre, pour ce qui est des malades, en 1939, avec l'opération T4. Et on passe au meurtre à beaucoup plus grande échelle, à partir de 1941, à l'Est puis à l'Ouest. Une Verbindung, also eine Parallele zwischen Kunst, wie man Kunst behandelt und wie man. Comparer Menschen behandelt. La façon dont on a traité les œuvres et la façon dont on a traité les hommes. Das ist eine schwierige Frage. C'est une question très délicate. Ja, man kann durchaus eine Il existe des similitudes. En tant qu'historienne spécialiste d'Hitler, je peux le dire. Il y a des similitudes entre sa façon de traiter les œuvres et sa façon de traiter les hommes. Dans les deux cas, on retrouve les catégories du bon et du mauvais. Gute Kunst, schlechte Kunst. Il y a l'art, gute bon. Kunst war die historische Kunst, l'art historique. Und die schlechte Kunst war eben die moderne Avantgarde. Et l'art mauvais, ja. L'art moderne ou l'art d'avant-garde. Also für ihn auch. Et il y a le peuple gute bon. Volk, die Aria. Le peuple arien das böse Volk, oder et le böse ou les Völker, peuples ja. Mauvais, Juden, les Juifs aber auch Slaven, et les Slaves. Und, von daher gibt es de ce fait, auch in der Art und il y a des similitudes dans le traitement des hommes also die et des œuvres. Ja, also, les nazis es ist ont détruit l'art dégénéré, worden, aber im Grunde genommen, die Nazis haben sie ja mais ils l'ont aussi vendu also, pour se faire de l'argent. Die Kunst, die entartete Kunst zu Geld et les nazis ont persécuté et exterminé les juifs, mais ils se sont aussi enrichis also, avec leurs biens. Auch an ihrem Vermögen zu bereichern. Alors, le traitement similaire infligé aux hommes et aux œuvres d'art est quelque chose qui se manifeste très tôt, avec l'arrivée au pouvoir des nazis. C'est-à-dire que les lois raciales, les lois sur les dégénérés de chair et de sang, comme il le disait, contre les tarés congénitaux, et les lois contre l'art jugé dégénéré, ou les lois ou les règlements, ou quelquefois les règlements de compte aussi d'ailleurs, tout ça en effet se déploie à peu près simultanément. Et on arrive en effet à cette chose tout à fait remarquable, c'est que on brûle des œuvres d'art, comme des livres aussi, hein, avec les grands tout à fait organisés par Goebbels, mais on brûle des œuvres d'art, on les détruit, mais aussi on les vend, on en tire profit par tous les moyens possibles et imaginables, on les enferme, on les cache, on en tire ce qu'on peut en tirer. Alors, on n'en tire pas nécessairement l'or des dents ou des choses comme ça, mais on en tire tout l'or que l'on peut malgré tout. De cet art, justement, que l'on considère comme dégénéré, exactement comme ensuite on va tirer profit matériellement de la destruction des Juifs d'Europe, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout à fait saisissant. Cette espèce de constante pensée de la destruction des œuvres d'art jugées dangereuses et des êtres humains jugés également dangereux, à vrai dire, parce qu'inférieurs, donc mettant en péril les uns ou les unes comme les autres, mettant en péril l'unité, la solidité, et pas seulement la pureté, hein, mais l'unité et la solidité de la race germano-nordique ou du peuple allemand, si on admet qu'en langage nazi, ça signifie la même chose. L'exposition d'art dégénéré de 1937 est le pendant de ces documentaires à vocation d'édification, d'éducation médicale, biologique, sur les malades mentaux, les handicapés physiques. Vous avez toute une production cinématographique à partir de 1933 qui va montrer le corps malade, le corps difforme, le corps agité de pathologies neurologiques, le corps tremblant, le corps soumis à des accès de crise, de transe. On va filmer ces images dans les asiles, dans les hôpitaux, pour montrer à la population allemande toute l'absurdité, selon les nazis, qu'il y a à entretenir une biologie malade, à dépenser des sommes folles pour l'entretien de ces gens-là qui, en plus, risquent de transmettre par la procréation leur maladie à des descendants. Le pendant de ces documentaires de diffamation, de disqualification biologique et humaine, puisqu'on vous montre des êtres dont on vous dit dans le commentaire qu'ils ne sont pas humains, que ce sont peut-être des enveloppes humaines mais qu'elles sont vides, que ce sont des vies indignes d'être vécues, que ce sont des êtres non productifs, non performants et donc non humains. Le pendant de cette monstration de monstre, cette monstration cinématographique de la monstruosité biologique, c'est la monstration de la monstruosité artistique. Cette monstruosité artistique étant, et le rapport est explicite dans les dépliants de présentation d'exposition, dans les articles de presse, dans les actualités cinématographiques, la monstruosité artistique est non seulement le pendant de la monstruosité biologique, mais également son produit. parce que ce sont des malades qui ont produit ces œuvres-là. L'exposition avait été aménagée dans les galeries du Hofgarten à Munich. Les œuvres étaient accrochées absolument partout. Les inscriptions écrites dans tous les sens, à même les murs, renforçaient l'impression de chaos. Des textes pamphlétaires encadraient les œuvres, car l'accrochage était conçu pour les dégrader, pour les présenter comme dégénérés. Zu déklassieren, wirklich als degeneriert darzustellen. Und das Ganze hatte auch tout cela s'appuyait sur une documentation bien précise. In dem Schriftgut der Zeit. Goebbels ist ja der Initiator dieser Goebbels, qui était à l'initiative de l'exposition, avait lu Le nettoyage du temple de l'art allemand de Wolfgang Willrich. Le pamphlet de Willrich était déjà en soi une scénographie de la diffamation. Il mettait en regard des œuvres d'art dites dégénérées avec des photos d'handicapés ou de malades mentaux. Le but était de déconsidérer les œuvres et de les désacraliser en s'appuyant sur l'idée d'une dégénérescence biologique. Ja, zu désacralisieren. Den Kunstwert nichtig zu machen und überhaupt das als Schlamperei darzustellen. Ja, und on sent bien cette influence dans toute la conception de l'exposition. In der Art, wie diese Ausstellung inszeniert wurde, dass solche Vorbilder genommen wurden. L'exposition de l'art dégénéré, elle est très largement inspirée par Schulze-Naumburg. Et en même temps, il y a véritablement de la part des historiens, depuis les années 1960-70, il y a une opération extrêmement curieuse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas lu Schulze-Naumburg. Ils en parlent, ils n'ont pas lu. Donc leur contresens, c'est, voilà, Schulze-Naumburg est celui qui a condamné l'art qui était contemporain aux nazis en disant, voilà, regardez, et c'est ça que montre l'exposition de 1937 d'art dégénéré, tous ces artistes copient des dégénérés, s'inspirent des dégénérés, prennent des dégénérés pour modèle. Évidemment, il ne dit pas ça. Ce qui est en cause, c'est que simplement, l'invention par les artistes modernes de figures qui appartiennent à l'art contemporain est quelque chose qui est éminemment dangereux parce que ça fait aimer ce qui est dissemblable. Ça fait aimer ce qui est différent de nous. C'est simplement ça qu'il dit. Il ne dit rien d'autre que ça. Et c'est à ce titre qu'il faut le condamner. De la même façon que Hitler condamne l'art qui lui est contemporain, des Mein Kampf, en disant tout simplement que l'art contemporain, c'est ce qui nous cache notre propre passé. C'est ce qui nous coupe de nos racines. C'est ce qui coupe la tradition. C'est ce qui nous aveugle à notre propre histoire. Voilà. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est nous aimer nous-mêmes, apprendre à nous aimer nous-mêmes. C'est une opération totalement narcissique, hein, et qui doit enfermer en quelque sorte le peuple allemand dans l'adoration de lui-même. Et c'est un point qui est évidemment tout à fait important, c'est-à-dire que c'est cette espèce de détestation de l'autre au plan d'abord esthétique, c'est ça qui importe avant tout, qui est en cause d'abord dans les expositions d'art dégénéré, dans la théorie de Schulze-Naumburg, qui dit voilà, depuis Goethe, depuis la mort de Goethe, 1832, il écrit ça en toutes lettres, nous ne savons plus, la culture ne fait plus son travail, nous ne savons plus réprimer nos pulsions destructrices. Nos pulsions destructrices, ce sont des pulsions qui nous poussent, dit-il, à aimer le différent, éventuellement à avoir de la compassion pour le difforme, etc. etc. Et c'est ça qu'il faut stopper. C'est ça qu'il faut stopper. Nous devons être capables de refouler nos propres pulsions destructrices. Sinon, il n'y a pas de culture possible. Alors évidemment, il faut s'entendre sur ce que c'est que la culture, après. L'exposition est pensée également comme un adieu, une préparation ou un prolégomène à leur disparition. En montrant la laideur, en montrant l'ordure hein, puisque c'est dans ces termes-là qu'est pensé l'art dégénéré, dit dégénéré, en montrant l'ordure, on convainc le public qu'il va falloir s'en débarrasser, il va falloir faire place nette, et le contraste entre la symétrie et l'harmonie parfaite des salles d'exposition de la maison de l'art allemand d'un côté et la cacophonie désarticulée de l'exposition de l'art dégénéré le montre bien. Hein. Il va falloir faire place nette du chaos, faire place nette de l'ordure. Et là, effectivement, il me semble que c'est un geste assez unique, et assez... c'est un apax, hein, parce que ça n'a pas été reproduit, je pense, depuis, heureusement. Mais c'est un geste assez unique et inédit dans l'histoire et dans l'histoire de l'art que de montrer pour susciter le rejet et éduquer le regard au mépris, à la haine et au rejet. Ce qui était encore possible en 1933 ne l'était plus du tout en 1937. Bernhard Maas. Il n'y avait pratiquement plus d'art dégénéré sur le marché. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était le cacher. Ou bien vendre les œuvres sous le manteau. Directement de l'artiste au collectionneur. Il y avait des peintres qui n'avaient plus le droit de peindre, d'autres qui avaient toujours le droit de peindre mais plus le droit de vendre. Et il y avait des peintres comme Max Beckmann qui avaient fui à l'étranger. Il y avait différentes manières de s'exiler, l'exil intérieur, l'exil géographique, ou bien l'exil total. Cela valait aussi pour les marchands d'art qui essayaient tant bien que mal de s'en sortir. Et natürlich ist der Kunstmarkt 1933, le marché de l'art moderne en Allemagne était encore à peu près intact. En 1940, il était totalement détruit. Et après 1945, c'est l'art tout entier qui est anéanti. Aussi dévasté que l'ensemble des villes. D'un autre côté, andererseits hat Hitler die historische Kunst sehr hoch geschätzt. Hitler tenait en très haute estime l'art historique. Pendant toute la guerre, des restaurateurs travaillaient dans les dépôts. Auch im Salzbergwerk Altaussee, même dans la mine de sel d'Altaussee, où les œuvres avaient été cachées dans les derniers mois de la guerre, l'art était toujours très bien traité. Man könnte sagen, ja, natürlich. Er hat die Aria natürlich auch. On serait tenté de croire qu'Hitler en faisait de même avec le peuple arien. Aber er hat sich um das deutsche Volk gekümmert, wie er sich also um die Kunst gekümmert hat. Es gibt aber einen ganz großen Unterschied, nämlich am Schluss des Krieges. Quand la guerre a été perdue, Hitler gesagt, die Hitler a dit, im Salzbergwerk darf nicht. On ne touche pas aux œuvres qui sont dans la mine de sel. Aber à ce moment-là, das deutsche Volk war ihm da auch schon. Il se fichait pas mal du peuple allemand. Gesagt, okay, Hitler a dit, un peuple qui n'est pas capable de vaincre peut bien disparaître. Also, er hat, wenn Sie so wollen, dann die Kunst besser behandelt als die von ihm ansonsten so hochgeschätzten und geliebten Arier. D'une certaine manière, il a réservé un meilleur traitement à l'art qu'à son cher peuple arien. Ja. Il y a une photo célèbre de Hitler en février 1945. Au moment où la chancellerie est déjà largement détruite par les bombardements, où le repli vers le bunker est imminent, on voit un Hitler se pencher sur la maquette de Linz. La ville de Linz, qui est une de ses villes favorites, et où il a prévu de créer non seulement un musée à son nom, qui va perpétuer, inscrire dans l'éternité sa mémoire par sa collection d'œuvres d'art et où il prévoit également d'être enterré, hein, au sommet d'une tour, son sarcophage exposé aux éléments. Enfin, c'était un projet grandiose de reconfiguration totale de la ville de Linz autour de ces deux éléments qu'étaient le musée et le mausolée d'Hitler. Et c'est stupéfiant parce qu'on voit, au moment où le Troisième Reich est en train de s'effondrer, un Hitler se consoler ou se divertir par la contemplation des maquettes et par ses plans de château en Espagne ou de musée à Linz qui lui permettent de s'évader d'une réalité déplorable et d'une réalité qui contredit absolument tous ses plans. Donc là, il y a véritablement une fonction escapiste, hein, fonction d'échappatoire, de divertissement au sens fort du terme, permis par l'art, permis par ce refuge dans l'idéal artistique. Il y a un autre versant artistique à cette fin, à la fin du Troisième Reich et à la fin d'Hitler lui-même, qui est bien exprimé par Goebbels, que je cite dans Le nazisme et l'Antiquité. Goebbels qui, lors de sa dernière conférence de presse, dit peu ou prou aux journalistes, au fond, nous ne parvenons pas à vaincre et à établir un Reich de 1000 ans, nous allons disparaître dans un tel fracas que l'on se souviendra de nous encore longtemps, en l'occurrence, si le Reich de 1000 ans n'est pas possible, une mort de 1000 ans ou un mythe de 1000 ans est possible par le caractère d'effondrement civilisationnel total que va représenter notre défaite. Notre défaite va être tellement spectaculaire qu'elle sera un spectacle, précisément, pour les siècles des siècles, et de la même manière que l'Empire romain a laissé des traces de ses ruines dans les millénaires à venir, nous laisserons les traces de nos ruines et de notre combat héroïque pour le salut de la race. La défaite, oui, mais une défaite sublime, une défaite organisée comme une chorégraphie de la fin, hein, c'est ce que, une expression qu'utilise l'historien allemand Bernd Wegener, la chorégraphie de la fin, une sculpture de la fin, une sculpture des derniers moments, en monument mémoriel. Ja, Kunst war die Schwäche und die Stärke. Oui. L'art était sa force et sa faiblesse. Ich suche in der Kunst nicht das schöne, wahre, gute, was viele Leute tun. Ja, in meiner Kunst, das ist nur das schöne, wahre, gute. Personnellement, ce n'est pas le beau, le vrai ou le bon qui m'intéresse dans l'art. Ich habe nicht die Erwartung, dass ich da nur das Gute finde, ja. Ce n'est pas ce que je recherche. Und nur Erbauung finde. Je n'attends pas de l'art qu'il soit seulement bon ou édifiant. Und ich glaube, das war mein Weg zu Hitler als Künstler. C'est pour cela que j'ai pu envisager l'idée d'un Hitler artiste. Weil ich habe nicht erwartet, parce que je ne cherchais pas dans l'artiste un homme bon. Guten Menschen vorzufinden. Und ich habe es auch nie, je n'ai jamais compris verstanden, quand les gens me disent, verstanden, aber ich habe es nie akzeptiert, also dass dann, est-ce que tu n'es pas en train de rendre Hitler meilleur qu'il n'était? Wenn du den Hitler als Kunstfreund beschreibst, machst du ihn dann nicht besser als war? Je leur réponds. Ich sage nein. Non. Ich mache ihn nicht besser. Je ne le rends pas meilleur. Ich zeige auf. Je démontre au contraire diese Leidenschaft, que c'est cette passion pour l'art, dass er sich als Künstler, cette image de soi comme artiste, fühlte, direkt in die Katastrophe führt. Qui a directement conduit à la catastrophe. Entartete Kunst. L'art dégénéré. Par Christine Le Serve. Aujourd'hui, l'œil d'Hitler. Avec Bernard Maas, Johann Chapoutot, Birgit Schwarz, Eric Michaud, Andrea Meyer,